fuck la tolérance. C'est plus le temps, là. On a assez fait de la tolérance. Ça fait 36 soirs en ligne là, que ça manifeste.